Le cambriolage de feu de Monsieur de Bourbillon par Fernand Fleuret. L'avenue Raphaël, à la Muette, est bordée d'un seul côté de petits hôtels dont la plupart évoquent les villes d'eau par leur style de ville cossue, mais coquette, et aussi par leurs stores rayés de diverses couleurs qui semblent gonflés d'une brise marine. Le matin et l'après-midi, une foule d'enfants y jouent sur les pelouses d'en face. Le soir, on y voit peu de monde, couples bourgeois, que la fatigue des années empêche de pousser jusqu'au lac, femmes de chambre et gens de maison qui ébauchent des aventures sur les bancs et doivent reprendre leur servitude avant l'heure de fermeture des théâtres. Tout enfin y respire le calme et l'honnêteté. Un tramway qui transporte dans le centre environ 50 personnes par jour trouble à peu près seul le silence, les enfants mis à part, encore que ceux-ci soient trop bien élevés pour avoir le goût et la santé des jeux bruyants. Je m'étais assis là le lendemain de ma rencontre avec mon ami Morand, et j'attendais minuit pour me rendre au pavillon royal où je devais recevoir des instructions pour une affaire qui ne regarde que moi. Pourquoi étais-je justement assis devant le numéro X de l'avenue Raphaël? Je connaissais très bien de vue et de réputation le propriétaire de cet hôtel, vieux au bourreau de province qu'il avait acquis 2 ans avant de mourir et qui avait rendu son âme à Dieu, car il était très catholique, 1 mois auparavant que je fusse là, en rêveur solitaire, en spectateur nocturne, comme mon grand-père Nicolas. Ce bourreau de province se nommait Monsieur de Bourbillon. Il avait vécu presque toute sa vie dans un château des environs d'Orbec, ayant perdu sa digne épouse avant la majorité de ses 2 filles, et menant une existence scandaleuse avec des servantes qu'il allait racoler dans les mauvais lieux d'alentour, le plus souvent à Lisieux, rue du Pont-Mortrin, si je ne m'abuse. Ces mauvais lieux où se rencontrent devant une partie de manille les gens les plus honorables, cependant que la patronne se livre au tricot et qu'un piano mécanique joue dans le salon à côté des danses américaines sur un rythme de charge. Ces servantes maîtresses jetaient la perturbation dans l'endroit, soit par leurs toilettes, leurs fards et leurs propos de mauvais goût, soit par leur conduite éhontée. Et ces créatures ne se gênaient pas pour bazarder ceci ou cela du château. Qui une paire de chandeliers de vermeil, qui des boîtes d'écailles à miniature, qui des bouquins reliés aux armes, des brimborions que les antiquaires vendent des prix scandaleux, et même de l'argenterie, ces vieilles pièces lourdes comme des haltères, relevées en bosse et burinées d'entrelacs, qui font trembler les mains des vieillards, les couvrent de taches, et les font passer pour gâteux avant l'âge. Et non contentes de dévaliser leur maître, ces servantes le couvraient encore de ridicule et d'abjection. C'était un dégoûtant qui avait des manies, et dont la laine empestait un relent de vieux puits, un vieux puits plein de vases et de chiens crevés. Et ces garces-là se saoulaient au cabaret avec les rouliers, les goujats de ferme et autres galapias. C'était alors un beau charivari, tout retentissant de gaudrioles et de basanes taillées au revers de la cuisse. Et blanc, voilà pour monsieur le marquis. Et merde, voilà pour les curés et la religion. La religion, le marquis l'honorait de toute sa ferveur. Il écoutait la messe chaque matin dans la petite chapelle du château, et ces messieurs, le curé et le vicaire, en tiraient bon dîner et bénéfice, servis à table par l'une de ces gourgandines à parfum qui leur ricanaient dans le dos. Ils savaient bien à quoi s'en tenir de la vie de leur hôte, mais ils n'osaient lui en faire des remontrances, d'autant que ces filles n'étaient sorties du couvent que pour se cloîtrer d'une autre façon, en attendant le mariage et la trentaine, chez les oncles ou tantes où venaient les voir Monsieur de Bourbillon, tout confit en bon esprit et bonne manière. Les oncles et tantes et les messieurs prêtres, qui n'osaient rien dire, avaient bien essayé de trouver un parti à Monsieur de Bourbillon. Des veuves quadragénaires, qui elles aussi avaient des titres, des rentes et des châteaux. Mais Monsieur de Bourbillon aimait mieux les servantes qui savent satisfaire les idées des vieux hommes, et il ne se souciait pas d'une épouse qui couche avec des tricots, une marmotte, et de ses chemises de chasteté comme on en confectionne encore dans les ouvroirs. Monsieur de Bourbillon devenait cramoisi quand on lui parlait de mariage, et il secouait la tête négativement. C'est qu'il croyait en esprit les belles démones sous le baldaquin de son lit, insultant leur nudité au portrait de la marquise qui se morfondait dans son cadre, modeste sous ses bandeaux démodés et plate sous son corsage strictement fermé au menton par un camé de sa grand-mère. Elles insultaient encore à la maigreur d'un Christ d'ivoire jauni que M. de Bourbillon tenait à voir là, au-dessus de sa couche, afin de témoigner de ses bons sentiments, quand le médecin ou le curé le venait assister au fort de ses maladies de bronches, de nerfs sciatiques et de vessie. De temps à autre, le marquis congédiait, avec les plus grandes difficultés, la servante qui le trahissait et le couvrait d'injures en le quittant, d'injures et de basses révélations devant la bataille goguenarde. Ils faisaient alors le vœu de se mieux conduire, de ne plus se donner en spectacle et peut-être de prendre femme. Une des demoiselles de Bourbillon avait fini par se trouver un époux. Il en était temps car elle commençait de se consumer. Des sérosités noirâtres envahissaient les ailes de son nez, son front et son menton, et ses dents jaunissaient, pareilles à celles des vieux chevaux. Sa sœur lui ressemblait comme une jumelle. Aussi trouva-t-elle un courtisan dans le frère de l'honnête homme qui convolait avec son aîné d'un an. Ce fut à cette époque que les filles demandèrent des comptes à leur père en vue de leur établissement, exigence qu'elles n'auraient pas témoigné si le célibat les eût conservées dans leur famille maternelle. Monsieur de Bourbillon dut abandonner le château de sa femme à l'une et à l'autre une gentilhommière de la région enfoncée dans des marécages et que n'habitaient plus que des corneilles, les rats, les scolopendres et les cloportes. Il aurait pu demeurer dans l'un des châteaux avec l'un ou l'autre couple, mais il ne pouvait changer ses habitudes. Et personne ne le retint quand il parla de se retirer. On pensa que ce vieux débauché serait mieux ailleurs, encore qu'il portât le mieux du monde, et pour l'honneur des siens, la bannière des processions, le cordon du poil et la corbeille du pain béni, et qu'à coup sûr, il se serait fait élire sénateur ou conseiller général s'il avait cessé de se corrompre lui-même pour corrompre les autres dans un autre domaine. Ces filles, toutefois, ignoraient la vie scandaleuse de leur père. Elles avaient cédé aux suggestions de la famille, comme elles l'avaient déjà fait en habitant ailleurs, et elles vénéraient ainsi saint homme, qui leur parlait le rosaire à la main, et les gratifiait d'images de piété aux coloris suaves, en souvenir d'une mission ou d'une retraite. Au fond, le marquis n'était pas fâché de partir sous un prétexte aussi délicat que celui de ne déranger personne par sa présence. Il rêvait de Paris, où la liberté est grande, et où l'on satisfaisait ses désirs à sa guise quand on dispose de solides revenus. Comme il était indolent et que d'autre part on ne saurait prendre une grande résolution tout seul, il s'ouvrit de ses projets à son notaire, Maître Le Randuel. Celui-ci ne fut pas long à lui acquérir l'hôtel dont j'ai parlé, et M. de Bourbillon y installa ses curiosités qui remplissaient plusieurs malles. Voilà donc M. de Bourbillon à Paris, qui entre mille extravagances se mêle d'apprendre à danser. Il fut bientôt célèbre à Montmartre et à Montparnasse, ainsi que dans des lieux moins publics où les connaissances ne se font pas sous l'invocation du terpsichore. Et il ne fut pas moins moqué, trompé et vitupéré qu'à Morfontaine, soit par les gouvernantes, soit par les filles, soit par tous ceux et toutes celles qui vivaient à ses dépens. Bref, il tomba dans le gâtisme et finit par ne plus sortir que pour un tour de bois et dans une petite voiture poussée par un valet de chambre à tête de sacristain, une crapule sournoise qu'on lui avait envoyée de Morfontaine afin de mieux veiller sur lui et le préserver de ses excès. Moyennant rétribution, il laissait pourtant pénétrer des personnes aimables et des proxénètes. Mais il racontait le passé et le présent à la bataille d'alentour, celle qui vient s'asseoir sur les bancs de la muette et livre sans le vouloir ses secrets aux oreilles du spectateur nocturne. J'ajoute qu'il arrive qu'on l'y aide. Le marquis de Bourbillon fut trouvé mort un matin dans sa chère bibliothèque. Il était dans un fauteuil. Sur la table se trouvaient des photographies recroquevillées, un album encore vierge, un pot de colle et un pinceau. On vint chercher le corps pour l'enterrer là-bas en grande pompe, l'enferma à l'hôtel et l'on y apposa des scellés. Enfin, dans un petit pavillon de concierge, on mit des gens de confiance. Je me rappelais à moi-même la vie grotesque et lamentable de M. de Bourbillon, avec bien d'autres circonstances que je mets à dessein pour ne pas tomber dans la banale précision des romanciers qui ont sans doute dépeint ce type de vieillard à plusieurs centaines d'exemplaires, quand je fus surpris de voir une lumière presque imperceptible à travers les persiennes du premier étage. Cette lumière allait et venait, et quelquefois il s'en faisait une plus vive. Il se peut, me dis-je, que les scellés avaient été levés depuis quelques jours et qu'une fille ou un gendre bac à ses occupations. Mais les maisons inhabitées ont un air qui ne trompe pas, si bien que l'intrus qui s'y loge, elle le dénonce au passant, à l'observateur. De même, un visage trahit le chagrin ou une mauvaise pensée qui n'est pas habituelle à l'âme. Mais est-ce le maître? Les maisons ont une bonne figure de gaieté et de confiance, fussent-elles fermées? Et combien, qui sont les maisons du crime, garderont cet aspect indéfinissable qui les fait discerner entre toutes et le garderont malgré de nouveaux crépis, malgré les embellissements ou les changements, malgré la vétusté? Je n'irai pas jusqu'à dire que je devinais la présence d'un cambrioleur dans l'hôtel, mais plutôt quelque chose d'anormal, et je crus de mon devoir d'aller réveiller le concierge en sonnant et en frappant au carreau. « Mon brave, lui dis-je, excusez-moi. Un parent de feu, monsieur le marquis, habite-t-il la maison en ce moment ? C'est une question que je vous pose dans votre propre intérêt, car depuis quelques minutes j'aperçois de la lumière au premier étage. »« Non, pas du tout. fit un peu rudement cet homme que j'arrache au sommeil, et assez surpris de me voir me mêler de ses affaires. « Oh !» repris-je pour le rassurer, et en prenant le ton du bon garçon, « je connais un peu les habitudes de l'hôtel, car je fus mis au courant de bien les choses par Jean-Marie. » C'était le nom du valet à la petite voiture. « Ah bon ? Alors attendez que je passe des habits. » Il se rendit compte et en montra un mélange de confusion, de surprise, de colère et de crainte, qu'il traduisit tout d'abord par des exclamations. « Enfin, dit-il, j'avais pourtant fermé la grille, comment n'ai-je rien entendu? À quelle heure a-t-il pu entrer comme ça ?» Sa femme parut et se fut à recommencer. J'étais toujours derrière la grille, le nez en l'air, devant la petite lumière comparable au rayonnement d'une allumette bougie. Une autre lumière, plus vive, lui succéda pour un instant. « Je ne sais pas, dit le gardien, ce qu'il peut fabriquer là-haut avec ces deux lumières, ce chrétien-là, mais je vais l'attendre à la sortie. Il ne va pas rester là une éternité. Dites donc, monsieur, puisque vous êtes si honnête de m'avertir, ça ne vous ferait-il peut-être rien de m'assister ? Et sur mon consentement, il ouvrit la grille. « J'ai là, reprit-il, un revolver et une matraque. Vous pourriez peut-être prendre la matraque, et on va se poster de chaque côté de la porte sous la marquise en se plaquant bien contre le mur. Et toi, dit-il à sa femme, qui tremblait comme la feuille, tu vas tâcher de trouver des agents cyclistes et tu leur diras d'aller chercher du renfort. » Je ne voyais pas là quelqu'un de très rassuré. Aussi j'acceptai la matraque pour lui donner le réconfort moral de deux hommes armés. Nous avions beau prêter l'oreille, nous n'entendions aucun bruit d'effraction, seulement un pas léger de temps à autre et une petite toux sèche. Et j'imaginais le pâle voyou chaussé d'espadrilles que nous cueillerions tout à l'heure avec son butin. Il ne ferait peut-être aucune résistance. Mais comment avait-il pu tromper la vigilance du gardien qui, sans être brave, me paraissait consciencieux, et qui avait indiqué le coup à faire à ce tranquille cambrioleur qui opérait à son aise et sans grande précaution? Ce Jean-Marie, dont j'avais invoqué la connaissance, ne me disait rien de bon. « Eh bien, fit le garde, moi je suis sûr qu'ils sont deux. Il y en a un qui éclaire l'autre, et cet autre, monsieur, il essaie de fondre une plaque de coffre-fort avec un chalumeau. » Cela me parut juste et la situation plus périlleuse. « Ne parlons pas, soufflai-je, ça distrait, vous comprenez ?» Quatre agents cyclistes se montraient à la grille entrouverte, et derrière eux, le commissaire de police venu par un moyen rapide. Ma foi, un hôtel du bois, monsieur le marquis, la famille, les scellés, cela valait de l'empressement. Ils entrèrent. Le gardien marcha au-devant d'eux. « Je suis le commissaire. Votre femme m'a dit aux agents. Alors, prévenu par eux, j'ai fait diligence. Oui, il y a quelqu'un là-haut, ça ne fait pas de doute. Il me faut quatre agents de plus pour garder les issues. Allez voir dehors, vous, avec votre machine, et sifflez, s'il en passe. Ils sont deux, ça ne fait pas de doute. Attendons le renfort et tournons-nous tranquilles. Revolver, mes amis, car ils vont se défendre, ça ne fait pas de doute. » La gardienne arriva en se tenant le sein gauche et en soufflant. « Oh, moi, vous savez, monsieur le commissaire, messieurs les agents, tout ça me tourne les sangs. Et j'ai couru. »« Je vais toujours donner un coup de sifflet, » fit le commissaire. « Ça leur fera peut-être peur, ou du moins, nous verrons s'ils éteignent. » Avant, fermez la grille à clé, concierge. Un homme dans le coin, là, deux à la porte, de côté, un qui croisera devant l'hôtel. Et les autres pour me suivre. Vous y êtes ? » Il siffla de son sifflet à roulette, juste devant la fenêtre éclairée. La lumière s'éteignit. « Il n'y a pas de doute, » fit le commissaire, sans que l'on pût comprendre de quoi il ne doutait plus. « Attention à la porte de service, » continua-t-il. « Attendons. » Nous attendîmes 10 minutes, au bout desquelles la petite lumière se ralluma. « Alors, allons-y, » ordonna le commissaire, et s'adressant au gardien. « Vous, mon brave, vous marcherez devant, rapport au commutateur. »« Oui, monsieur le commissaire. » Nous entrâmes derrière le gardien, tourna le robinet électrique. Ils étaient 6 hommes, le revolver au poing, qui se regardaient d'un air hébété sous la lumière aveuglante. Mais avant de monter, comme il en eut une seconde l'intention, le commissaire cria par 2 fois « Qui est là ? Qui est là ?» Pas de réponse. « Au nom de la loi » reprit-il. « Répondez, qui est là ?» Pas de réponse. « Il n'y a plus de lumière !» cria un agent du dehors. Le commissaire se gratta l'oreille. « Allez, marchez devant » dit-il au gardien, devenu blême. « Les autres me suivent, et vite !» En 5 ou 6 enjambées, nous escaladâmes le premier palier qui donnait sur un vestibule dont les 2 tiers demeuraient dans les ténèbres. « Tournez le commutateur !» souffla le commissaire. « On se ferait tuer comme rien là-dedans. »« Bon, à quelle porte correspond la pièce maintenant ?»« À celle-ci, » gémit le gardien, qui se colla contre le mur, autant pour se soutenir que pour éviter un mauvais coup. « Au nom de la loi !» cria le commissaire devant la porte et placé entre ses 4 agents. au revolver prêt à faire feu. « Au nom de la loi, qui est là ?» Alors on entendit un pas un peu traînant, un pas de vieillard, et une petite voix tout sautante et flûtée. « Mais c'est moi, c'est moi !» Et la porte s'ouvrit. Dans l'encadrement parut un personnage à la fois imposant et ridicule par sa noblesse surannée. Il était vêtu d'une ample redingote ouverte sur une cravate et un gilet de piqué blanc. Son pantalon gris perle retombait sur des souliers vernis à guêtres blanches. Une rosette d'officier ornait sa boutonnière. « Qui vous? Qui vous ?» hurla le commissaire. « Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous n'êtes pas un apache, il n'y a pas de doute, mais au nom de la loi ?»« Monsieur !» siffla l'auguste vieillard, qui formait de sa main libre un cornet acoustique contre son oreille. « Commencez par n'être pas impertinent. Je suis maître Ruandel, notaire à Bernay, officier de la Légion d'honneur et président de la Société d'élevage et d'agriculture de mon département. J'ai d'autres titres, monsieur, mais ceci doit vous suffire. Et qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, que tous ces pistolets ?»« Mais enfin !» reprit le commissaire en faisant un signe discret à ses agents de rentrer leurs armes, et mettant, un peu confus, la sienne dans sa poche. « Mais enfin, que faites-vous ici, maître Leranduel ?»« Je suis monsieur, » dit maître Leranduel, qui s'approcha de la table, après avoir donné de la lumière et toussé un peu. « Je suis le notaire de feu, monsieur le marquis de Bourbillon, et celui de toute la famille, laquelle je m'efforce de servir de mon mieux en la circonstance. » « Je veux bien vous croire, maître Leranduel, mais votre présence ici, même justifiée par la qualité que vous vous donnez, est contraire à la loi, et vous le savez mieux que personne, il n'y a pas de doute. Et d'abord, vous venez d'en donner la preuve en ne répondant pas à la sommation d'un magistrat, maître Ruandel. Pourquoi ne répondiez-vous pas ?»« Je suis un peu dur d'oreille, » riposta le notaire avec un charmant sourire, « et si l'on crie, monsieur, je n'entends plus du tout. Il suffit d'élever un peu le ton, simplement. » « Oui, oui, vous raillez, il n'y a pas de doute, maître Leranduel. Cependant, pourquoi avez-vous éteint la lumière que vous teniez quand j'ai sifflé, et pourquoi ne vous servites-vous pas de l'électricité ? Et pourquoi venir subrepticement ici, je veux dire, sans vous présenter au gardien que voilà ? Maître Leranduel, il n'y a pas de doute, je suis contraint de vous dresser procès-verbal. Veuillez, je vous prie, me arrêter, monsieur, » répondit maître Leranduel. « Vous allez déshonorer toute une famille. » Et il éleva la main d'un geste imposant, qui fit rentrer au commissaire le papier qu'il tirait déjà de sa poche. « Oui, reprit-il, j'avoue que je suis venu ici subrepticement. C'est-à-dire que personne ne m'a arrêté quand j'ai ouvert la grille et la porte au moyen des clés que la famille m'avait confiées sur ma demande. Aperçu et questionné par le gardien, je lui aurais fait part du but de ma visite en le déguisant comme il sied. En tout cas, monsieur le commissaire, je désire, avant de m'expliquer plus avant, que ce serviteur se retire chez lui pour y redormir de son profond sommeil, car si je lui eusse exposé à ma façon les raisons qui m'ont amené, leur caractère confidentiel, il ne doit pas le connaître. « Éloignez-vous, mon ami, » fit le commissaire au gardien. Quant à moi, qui m'attendais à subir le même sort, j'avais déjà tiré ma carte de préfecture et la montré au commissaire dans le creux de ma main. Il me fit un signe discret par quoi je fus autorisé de rester. « Vous ignorez peut-être, monsieur le commissaire, que feu mon client, monsieur le marquis du Bourbillon, avait certaines faiblesses de l'esprit et de la chair qui n'étaient plus de son âge. Je n'ignore rien, maître Leranduel. Monsieur de Bourbillon, à qui vous montrez une indulgence tout oratoire, était simplement un débauché, un détraqué, soumis à la surveillance de la police des mœurs, et à qui il serait arrivé quelque sale histoire un jour ou l'autre, s'il n'avait eu le bon esprit de mourir. Et j'ajoute que je sais fort bien, maître Leranduel, à quoi il occupait sa veillée quand la mort est venue le surprendre. C'est un avantage que j'ai sur vous. « Il n'y a pas de doute. »« Non, monsieur, » reprit le notaire, « et c'est justement à cause des collections, mettons, objets d'art, auxquels vous faites allusion que je suis ici. » Et maître Leranduel s'écarta de la cheminée où s'entassaient des papiers brûlés, parmi lesquels on distinguait encore des lambeaux d'estampes épargnés par le feu, des pellicules de photos toutes racornies, et, trouvant le noir à ma descendre, le chef purpurin du dieu de Lampsac, que la flamme avait boursouflé, mais triomphant encore, et exhalant, tel un cratère, des vapeurs infernales. Maître Leranduel abaissa sur cette image le rideau de la cheminée en appuyant le pied contre la coquille de cuivre. « Ainsi, monsieur le commissaire, poursuivit-il, sans sourciller, les mains passées derrière le dos sous son ample redingote, vous pensez bien qu'il n'était pas possible de laisser aux filles du défunt le soin de découvrir ses turpitudes, à elles, à ses gendres ou ses alliés. Quel scandale, monsieur, non seulement familial, mais encore dans le pays, si pareille découverte était répandue par la maladresse ou la malignité. Tout ne tient pas dans le foyer, monsieur. J'ai brûlé plusieurs kilos d'autres choses, qu'à l'aide d'une pelle à feu, j'ai tassé dans de vieux journaux lorsqu'elles furent consumées. Voyez cette bibliothèque. Cela se trouvait du haut en bas, derrière les premières rangées de livres. Parmi ces livres, il y en a qui ont eu le même sort. Mais ce que je n'ai pu détruire, je l'emporte dans cette valise pour le briser chez moi. Voyez, monsieur le commissaire. Nous ne pûmes nous retenir de rire. Le notaire, toutefois, conservait son sérieux imperturbable. « Maintenant que j'en ai terminé, continua-t-il, et que j'estime, en mon âme et conscience d'honnête homme, avoir entrepris cette besogne répugnante pour sauvegarder l'honneur et la pudicité de mes clients, sans aucun préjudice à leur droit de voirie, je me permets de vous demander, monsieur le commissaire, si vous estimez devoir mettre à exécution le projet dont vous me menaciez tout à l'heure, moi, maître Le Ruandel, notaire à Bernay, officier... Non, maître Le Ruandel, nous allons nous retirer. Mais je vous conseille tout de même de ne pas oublier les scellés, que vous n'avez si bien détachés que dans le dessein de les recoller avec exactitude. Il n'y a pas de doute. Adieu, maître Le Ruandel. Si le commissaire ne peut vous approuver, l'homme sollicite de vous serrer la main. Voilà, pensais-je, bien des tracas, bien des discours et des simagrées. Pour une dizaine de livres de cendres et le bonnet de Messer Priapus saurait d'y marouer la fontaine. C'était le cambriolage de feu, monsieur de Bourbillon, par Fernand Fleuret.